بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الحجرات، les appartements. في المسألة 69 بعد المئة. في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الله سبحانه وتعالى يقول: أو vous les gens, nous avons créé d'un homme et d'une femme. Verset 13. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر وأنثى. Donc ce noble verset laisse entendre que le début de la création de l'homme provient tout simplement d'un homme et d'une femme. وقد دلت آية أخرى على خلقهم من غير ذلك. كقوله تعالى والذي خلقكم من تراب. Et d'autres versets sont venus pour montrer autre que cela. Dans le sens où Allah dit qu'il est celui qui vous a créé à partir de terre. Ghafir, verset 67. وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Dans le sens où Allah dit: ô vous les gens, si jamais vous êtes dans le doute de la résurrection, sachez que nous avons créé à partir de terre. Al-Hajj, verset 5. Donc là, comment un verset dit qu'on était créé à partir d'un homme et d'une femme, et d'autres versets disent qu'on était créé à partir de terre. Al-Jawab wadih, la réponse elle est claire. Wa huwa anna at-turab huwa at-tawru al-awwal. Wa qad qala Allah ta'ala wa qad khalaqakum atwara. Donc, tout simplement que la terre, en fait, c'était la première étape de l'évolution. La première étape de l'évolution. Comme dans le sens où Allah a dit qu'il vous a créé par étape, par évolution. Nour, verset 14. Wa qad bayyana Allahu atwar khalaq al-insan min mabda'ihi ila muntaha bi qawlihi ta'ala wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ila akhir al-aya. Que Allah a déjà également démontré justement cette évolution dans la création de l'homme, de son début jusqu'à sa fin. Dans le sens où il dit que certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Par la suite, après un bout de chair, et après c'est devenu un embryon, ensuite un bébé, et ensuite il est réalisé à l'éca, comme vous connaissez la création de l'homme. Donc là, il n'y a pas de contradiction entre les versets. Naam. فالمسألة واضحة والحمد لله رب العالمين